Un circuit d'installation sonore dans l'espace public, deux programmes de courts-métrages et une exposition d'art visuel. Informez-vous à fimav.qc.ca. Du 18 au 21 mai 2017, venez vivre l'expérience du 33e FIMAV. Découvrez l'exposition centrale de Manif d'art 8, la Biennale de Québec, présentée au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous en mettront plein la vue. Cet hiver, célébrez l'art de la joie au M&BAC. Ce soir, à l'aérospatiale, un tête-à-tête avec Annie Baillargeon, In vitro de Caroline Ouellette à Materia et Refuge, un projet de médiation culturelle à Engram. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro à l'animation ce soir, et je suis accompagnée d'une co-animatrice spéciale pour cette édition du 9 mai. Bonsoir, Marie-Claire Tremblay. Bonsoir, Audrey Caro. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à venir co-animer avec moi. Je suis très heureuse d'être ici. En plus, il y a une belle ambiance en ce moment, c'est parfait. Oui, oui, donc un peu de fébrilité, une petite nervosité qui va partir dès qu'on va entamer le tout. Ben oui, ben. Donc, aujourd'hui, à l'émission, justement, on va débuter avec cette deuxième entrevue de notre série de quatre qui souligne la nomination de quatre artistes de Québec à la sélection préliminaire du prix Sobé. Comme on vous le disait la semaine dernière, c'est une des récompenses les plus importantes au Canada accordée à un artiste de moins de 40 ans. Et pour la section Québec, quatre des cinq artistes sont des artistes de la ville de Québec. Donc, quand même, on voulait souligner ça à l'aérospatiale avec une série de tête-à-tête. Et ce soir, on va rencontrer l'artiste pluridisciplinaire Annie Baillargeon, avec qui on va discuter un peu de son parcours, des dernières années, de sa nomination, mais aussi de création artistique à Québec. Également, en deuxième partie, Marie-Claire, on va discuter ensemble vers 18h pour jaser du travail de la verrière Caroline Ouellette qui est présentée actuellement à Materia, et ce, jusqu'à cette fin de semaine. Et sinon, tu vas avoir une invitée en entrevue aussi. Oui, exactement. Tout de suite après, je vais faire la rencontre de l'artiste Gabrielle Bélanger qui va venir nous entretenir de Refuge, qui est une exposition en cours en ce moment chez Engram, relative un projet de médiation culturelle qui a été fait avec des étudiants et des artistes, des étudiants de l'école secondaire Vanier. Puis bien sûr, on n'oublie pas de vous faire part des événements et expositions à ne pas manquer avec l'agenda de la semaine tout juste en fin d'émission. Oui, bien sûr. Et avant notre tête-à-tête, on va aller écouter un extrait audio qui nous est proposé toujours par Simon Roy, notre commissaire en art musical, art audio, si on peut dire, ici à l'aérospatiale. Donc, c'est une découverte qu'il a fait cette semaine. Groupe qui s'intitule NAM, qui vient du Chili. On va écouter des extraits ce soir de l'album Géographia. C'est une électropop expérimentale et on s'en va écouter un premier extrait intitulé Passo. Thank you. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL et je suis en compagnie de Annie Baillargeon. Bonsoir Annie. Allô. Alors, on continue, comme on le disait tout à l'heure, cet entretien. On voulait un tête-à-tête et puis là, on est bien sûr bien entouré. Un petit thé, des biscuits, des petites fleurs un peu quétaines, c'est parfait. L'ambiance est mise là ici autour de la table. Alors, Annie, on se le disait hors d'onde, mais quand même, déjà la feuille de route commence à être longue. Déjà un bon presque 16-17 ans de carrière depuis la sortie des études à l'Université Laval. Peut-être une question, je pourrais dire, qui peut paraître très simple, mais qu'est-ce qui t'a amené vers les arts visuels au tout début? Ça a été assez tôt là, dans ma vie. Là. J'ai réalisé que je voulais faire de l'art pour l'écrire. Je pense que j'avais 14 ans. Ah oui? Puis je me suis dit, vraiment, moi, je veux être une artiste. Puis je dessinais beaucoup, là, puis je peignais dans la cave de... J'avais envahi le sous-sol de mes parents. Fait que, pour moi, c'était clair, là, je bossais, puis je me suis inscrite en art visuel à Sainte-Foy, puis ça n'a jamais arrêté. Puis après ça, c'est ça, l'Université Laval. Et puis, faut dire aussi aux auditeurs un peu qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta pratique artistique, mais il faut dire que c'est une pratique artistique qui est très, je le dis en entrant de jeu, pluridisciplinaire. À la fois, tu as ta pratique personnelle en photographie, performance avec les fermières obsédées, en collectif, mais aussi, là maintenant, il y a le collectif Bloche qui est là. Tu as déjà fait de l'installation au début de la vidéo aussi. J'ai fait c'est la vidéo, c'est à l'université, c'est là-dessus que je me suis branchée. Là, puis ça m'a amenée vers la photo. Puis ensuite de ça, j'ai un peu délaissé la vidéo, mais je peux peut-être revenir. Mais avec Blush, on a des projets de vidéo-performance qu'on veut réaliser. Mm-hmm. Là, c'est dans nos prochains projets. Fait que c'est ça, on peut pas se mettre l'énergie à juste un endroit. Là, j'ai comme me focussé sur la photo plus la performance. Fait que oui. Voilà. Et puis la photo, dans le fond aussi, pour expliquer à nos auditeurs, c'est une photo dans laquelle tu es en performance, donc, et par la suite, donc des photos où tu as bien sûr un photographe aussi qui t'accompagne, vu que c'est toi le modèle de tes images. Mais après ça, tu viens faire du montage par la suite pour créer des univers. Hein. Maintenant, c'est beaucoup aussi des univers qui se passent en nature. Ça m'a accroché aussi parce qu'autrefois, si on regarde un peu plus en arrière, c'était des univers qui se développaient des fois sur des fonds neutres, noirs ou blancs. Donc, dans des univers un peu, si on peut dire, intemporels. Alors que là, on s'en va beaucoup plus dans une nature dans tes dernières pièces des dernières années. La nature, est-ce que ça a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi avec ce rapport à la nature, là, ou juste? Bonne question. Ben, en fait, ça a commencé avec une série que j'ai travaillé, ça s'appelle Adversité, puis j'ai travaillé avec les éléments, l'eau, le feu. La Terre, c'est un peu cliché, là, mais en même temps, ça m'a amené à sortir du chemin de la page blanche. Du studio, ouais, là aussi. Du studio, puis j'avais vraiment d'explorer le terrain, puis des lieux, je trouve que la, tu sais, comme des éléments naturels, ça se magnifie de soi, là, fait que je trouvais ça intéressant d'y reprendre, puis des retransformer, fait que c'était... Puis, j'aime ça, aller dans le bois, ou être... Comme mes parents sont près d'une rivière, fait que, tu sais, j'ai exploré pas mal leur terrain. Ouais, je pouvais faire un peu n'importe, tu sais, des trucs assez osés que personne me voyait. Là. C'est ça, oui, un peu d'intimité aussi. Et depuis à peu près 2013, il y a aussi une transformation. Oui, on parlait avec ce déploiement hors du studio, mais aussi, tu es venu ajouter à tes photomontages de la peinture aussi, qui vient... Honnêtement, je dois dire qu'il vient transformer aussi, renouveler ce vocabulaire que tu avais déjà établi. Et ça le rend, je pense, ça ouvre vers de nouvelles possibilités, de nouvelles avenues, mais ça rend encore les images plus denses, je trouve, plus intenses, mais aussi très narratives également. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné dire, ben tiens, je vais essayer ça, ou ça trottait dans ta tête? Oui, en fait, j'ai toujours tenu des carnets de dessin. Depuis toujours, avant même de toucher la photographie. Puis je me disais souvent, genre, j'aimerais ça faire une expo de dessin. Ça me revenait tout le temps, mais aborder le dessin d'une manière brute, on dirait que j'étais pas capable, là, ça venait pas. Fait que donc, quand j'ai acquis mon atelier, ben là, j'ai pu mettre mes photos sur des murs, j'ai pu les sortir de l'ordinateur, parce que j'étais souvent dans, tu sais, j'ai eu mes grossesses, fait que j'étais souvent dans des lieux plus restreints. Fait que là, quand j'ai eu l'atelier, ça m'a permis de faire ça, d'expérimenter ça. Puis la deuxième année que j'ai fait la peinture, j'ai eu plus d'audace. Là, maintenant, je fais plus des schémas. Là, j'y vais directement sur la photo. Des fois, c'est à risque parce que ça coûte très cher, le print. Mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, voilà. Okay. Fait que c'est vraiment de façon aussi très spontanée, non, finalement, spontané, le geste, tu sais, finalement. Je l'avais avec là. Moi, ouais, tu sais, okay. C'est ça. Là, je fais la ligne directe. J'ai pas de projecteur, j'ai rien... C'est vraiment ça se sent aussi, ouais. Hein, dans la, des fois parfois on dirait quasi des fois des dégoulinures, ou des fois on sent qu'il y a un geste, mais qui est très vif, très spontané aussi. Ouais, c'est assez organique. Puis aussi, je l'exploitais dans la photographie même aussi, en utilisant les matériaux de peinture, surtout dans les performances avec les fermières, on utilise beaucoup de peinture. Fait que là, je trouve en ramenant la peinture dans la photographie, c'est comme si je refaisais, il y a comme la matérialité qui se retrouvait dans la photographie, qui revient par-dessus. Puis il y a le geste qui est vraiment près du corps aussi, fait que je trouve ça, le mélange, ça s'apparente bien. Oui, puis également aussi, il faut dire, là, t'as parlé du corps, ça m'a accroché aussi parce que c'est un élément qui est là, hein, le fait que t'es en performance à chaque fois dans ces photos-là, c'est beaucoup sur le corps aussi, mais je pense qu'un élément qui vraiment te suit aussi depuis le début, oui, il y a ce corps-là, mais il y a la femme comme sujet, autant dans son image, dans sa représentation, dans la symbolique, les thèmes très élargis autour de la féminité, qui est vraiment l'élément, je pense, qui unifie aussi ton travail, à la fois ton travail personnel, mais aussi avec tes collectifs en performance, les fermières, ou avec Bloch, je pense aussi. Oui, c'est un sujet, c'est comme une démarche qui est là dans ma façon de faire, puis je sais pas, j'aime ça aussi. Je trouve que en exploitant le corps dans le temps, je trouve qu'avec le temps, tu sais, ça va être intéressant de voir l'évolution du corps. J'ai fait des photos avec quand j'étais enceinte. Puis j'essaie de dénaturer aussi le côté identitaire me me questionne beaucoup, fait que j'essaie de réfléchir à ça dans mon travail. Oui, parce qu'il faut le dire aux auditeurs, quand on regarde tes photos, oui, c'est toi, mais on ne te reconnaît pas, que ce soit de la peinture dans le visage, les cheveux dans le visage ou quelque chose qui te masque aussi généralement le visage. Oui, c'est pas autobiographique, disons. Exact. Mais ça parle de l'humain. J'essaie de mettre ça plus large pour que quand on regarde ce qui se passe devant nous, qu'on s'associe un peu à ça, puis oui. qu'on essaie de se projeter dans ce que les personnages font aussi. Mm-hmm. C'est important de le dire aussi aux gens, parce que ce sont des personnages que tu mets en scène aussi, oui. parce que, bon, enfin, nous, on se côtoie depuis déjà quelques mm-hmm. années. Ça me fascine toujours de te voir, toi, versus les personnages qui sont reflétés dans ton travail, un peu comme un acteur au théâtre ou un comédien à la télé. Ben, je veux dire, il y a aussi, bon, il y a la femme, il y a l'artiste, mais il y a aussi justement ce personnage ou ces personnages, je devrais dire, dans ton travail. Puis c'est toujours, moi, c'est ce qui me fascine toujours, parce que on dirait qu'il y a comme plusieurs facettes à Annie Baillargeon en même temps aussi, on en découvre, puis des fois c'est assez, ça peut être à la fois magnifique, beau, trash, morbide. En fait, c'est des œuvres qui sont très puissantes aussi dans ton travail. C'est ce qui me fascine beaucoup de tout ça. Il y a cette puissance des images et ça laisse pas indifférent. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui t'aient dit comme « Ah, oh, moi, je regarde ça, je suis pas capable », tu sais, ou d'avoir eu des réactions très fortes vis-à-vis tes images, autant positives que un peu de révulsion ou ça suscite la réaction, mais j'ai jamais eu vraiment de rejet, là, quelqu'un qui dit mm-hmm. ah moi je suis pas capable, c'est trop pour moi. Mais j'ai déjà eu un commentaire dans un cahier là, d'expo oui. que ça m'avait vraiment frappé, puis c'était un peu après le tsunami. Parce que j'avais fait l'œuvre avec l'eau, puis tous les corps oui. qui se noient, puis cette personne-là m'avait écrit, elle disait, tu sais, moi, je viens de sortir de cette catastrophe-là, mm-hmm. puis c'est en voyant ça, j'ai pas été capable de regarder votre œuvre. Ça l'a trop troublé. Mm-hmm. Puis ça m'avait vraiment, hein, oui, c'est vrai, tu sais, il y en a qui. Tu sais, on sait pas à quel point, là, dans notre, comme notre petit confort, là, moi, je fais des œuvres, j'ai pas cette énergie-là, mais ça l'a créé. En tout cas, j'ai créé une noyade collective. Là, oui, oui, oui. Ben, puis au contraire, je l'avais pas réalisé. Oui. Puis c'est ça qui est beau aussi d'une œuvre d'art, parce que c'est ça, la réception est tellement différente selon le bagage de la personne mm-hmm. qui la regarde. Autant, moi, je me rappelle de ces œuvres-là, autant c'est magnifique, mais tu sais, je veux dire, parce qu'il y a quelque chose de vaporeux. Ça pourrait être de l'eau, mais c'est de l'eau, mais on pourrait penser à un ciel aussi. Il y avait quelque chose de mélange. En fait, les corps qui sont, tu sais, un peu comme référence à le corps dans le ciel. Là, mm-hmm. Mais c'est toute cette série-là, elle parle beaucoup de mon éducation chrétienne, judéo-chrétienne. Fait que c'est comme moi, mais c'est mes petites références à moi. Oui, oui, oui. C'est comme aller au ciel, aller, tu vas mourir, ton âme, elle va oui. où, puis tu sais, voilà. Puis la noyade aussi, la noyade de l'air, de ce que l'on est, puis de ça qui s'engouffrer dans un questionnement de où je viens, où je vais, là. Mm-hmm. Donc, voilà. Ah, mais c'était intéressant de voir aussi qu'avec ce bagage-là, cette personne-là, elle l'a vu d'une toute autre manière. Non, là, c'est aussi, ça. C'est ça. Mm-hmm. Mais moi, je sais pas vraiment des sujets dans mon travail. Tu sais, je sais pas de questionner des trucs très, très directs. Là, j'essaie d'ouvrir l'œuvre pour que vraiment le spectateur puisse s'imprégner un peu, puis oui. Cheminer avec ça. Ben justement, je me demandais aussi qu'est-ce qui motive ta pratique en général? Qu'est-ce qui t'anime? Ou est-ce que c'est des sujets, des thèmes? Comment tu fonctionnes au juste? C'est des préoccupations philosophiques beaucoup, puis existentielles. Mm-hmm. C'est vraiment, tu sais, comme des pensées que j'ai, puis c'est des réflexions, puis un peu, c'est ça. C'est comme un genre de... Puis après, ben, j'ai des flashs, des images qui me viennent. Là. Des fois, ça vient comme... Mm-hmm. OK. Ça a apparu dans ma tête. Une idée. Oui, c'est ça. Puis là, je suis comme obsédée par ça, puis il faut que je le fasse. Mm. C'est le comment c'est dire... C'est dur à décrire la création d'où ça part, là, mais souvent, c'est plein d'éléments qui font qu'on a le goût de magnifier des choses. Là. C'est sûr. Et puis, je me demandais, c'est une question, ben, tant qu'à aller dans l'idée un peu philosophique de prendre ça au vol, ça peut paraître bien large, mais pourquoi est-ce qu'on fait de l'art aujourd'hui, en 2017? Bon, on pourrait dire ça, on aurait pu demander ça à une artiste au 17e siècle aussi, pourquoi faire de l'art, mais ça varie d'une époque à l'autre. Mais toi, comme, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu juges pas important, mais quand même, pourquoi est-ce que ça l'a une portée, justement? Est-ce que tu souhaites? Ou enfin, je lance des idées comme oui, ça. Oui, mais... oui, ben moi, je trouve super important là, le fait de, que les artistes créent, puis qui, en fait, c'est laisser une trace de notre humanité, mm-hmm. puis laisser vraiment une trace de que nous, actuellement, où nous sommes, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, les questionnements, les bugs et tout. Mm-hmm. Puis je pense que les artistes sont là pour retransmettre ça, puis soit s'engager, puis émettre des propos. Puis après ça, avec le temps, bien, on peut savoir comment qu'on a évolué, comment qu'on a cheminé. Je pense qu'on est comme une trace. Oui, puis ça parle d'une époque, effectivement, aussi, de ce qu'on est. Puis, c'est comme tu dis, ça laisse la trace. Enfin, c'est très intéressant comme réflexion. Puis, sinon, si on va un peu plus aussi revenir un peu à ce cheminement, on parlait d'une feuille de route quand même impressionnante. T'as exposé dans toutes sortes de lieux. Aussi, à la fois les centres d'artistes, maisons de la culture, centres d'exposition, galeries privées, les musées aussi. Mm-hmm. Est-ce que ce parcours-là, est-ce que c'est important d'avoir un équilibre entre tous ces lieux-là? Parce qu'à la fois, on a des lieux qui sont plus ouverts au public, des lieux peut-être plus associés aux collectionneurs, à la découverte, alors qu'on a des milieux plus institutionnels aussi, des milieux aussi comme une centre d'artistes, par exemple, plus spécialisé, plus près des artistes. Pour toi, est-ce que c'est important de trouver un équilibre au travers de tout ça ou ça a peu d'importance? Moi, je trouve ça super important de varier nos mm-hmm. modes de présentation. Tu sais, moi, j'ai fait autant de trucs dans la rue sans savoir qu'il y avait l'avoir du public, autant dans les trucs comme les galeries privées qui sont... Si je ne veux pas me confiner à juste faire de l'expo dans les galeries privées parce que ça module un peu ta façon de faire. Mm-hmm. Fait que c'est important d'explorer plusieurs types de présentations, de contextes, je pense. Oui. Et puis, là, on a parlé beaucoup de photos, mais avec la performance, mettons, justement, tu parlais d'aller dans la rue. Je me rappelle de performances des fermières avec à la Manif d'art, justement, cette performance qui avait été faite dans la rue, ou aussi d'une autre, où il y avait une espèce de fête aussi, ça fait longtemps, là, de tout ça, mm-hmm. mais vous étiez dans une voiture, puis là, il y avait comme une fête improvisée, je me rappelle plus exactement c'est où. C'était la troisième avenue, d'ailleurs. Alors, c'est ça, mais je me dis, c'est intéressant parce que dans ta photo, oui, il y a de la performance, mais là, on est dans un autre genre de performance. Qu'est-ce que ça t'amène, cette performance-là, peut-être plus près d'un... face à un public? Tu parles dans la rue? Dans la rue, dire, ou une performance live, là, tu sais, en direct devant un public versus une performance en photo, c'est pas tout à fait la même affaire, là. C'est incomparable. Moi, ce que je préfère, je vais vous le dire, là, dans mm-hmm. ma pratique, c'est la performance dans la rue. Oui. C'est genre, tu sais, avoir le but. Parce que la performance, c'est comme un médium pauvre, là, puis il y a de moins en moins de sous pour ça. Mm-hmm. Mais vraiment, ça a un challenge, puis ça a comme une force, puis tu sens vraiment que tu vas atteindre des gens que tu pourrais pas, qui viendraient pas te voir, anyway, dans des institutions. Fait que, pour moi, c'est vraiment, ça a vraiment une drive intéressante, puis c'est comme le fait de, l'énergie aussi que ça procure, puis l'énergie que, ou dans l'état dans lequel tu mets, tu crées des événements qui pourraient pas se passer nulle autre que là, là. Puis aussi, ça doit être intéressant de dire, d'attraper une personne comme ça qui s'y attend mm-hmm. pas dans la rue aussi, il doit avoir ça doit être plaisant, tu sais, de dire ben la personne est retournée chez eux en se grattant la tête en se disant comme mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est quoi ça au juste? Mais moi j'ai comme encore là, un souvenir là, ça du tout début des fermières là, ça fait longtemps. Puis il y avait un itinérant qui était là, c'est super l'art moderne, il gueulait là, puis là, ça m'est comme resté comme genre de réflexion là, puis il tripait, puis il nous applaudissait là, puis il était tellement dedans là, puis il nous a suivis tout le long, tu sais, puis il était là avec son sac puis ses affaires là, puis on aurait dit qu'il faisait partie de la perf quasiment là. Ah ouais, mais quand même, c'est intéressant, non? Mais tu sais, ça montre comment l'art peut vraiment aller au-delà, toucher les gens, mais de toute classe sociale, mais ben oui, l'art non, dans la rue exactement. En plus aussi. Là, mais c'est un peu ça que, tu sais, de se mettre comme au même plancher que tout le monde, mm-hmm. puis, tu sais, de pas faire de hiérarchie de public, en fait. puis tu te rends compte que, tu sais, c'est pas l'art contemporain peut vraiment être accessible, là, je pense. C'est comme un mythe là, qu'on peut. Oui, visiblement. Vraiment, oui. Là, tu sais, les gens sont pas cons. Là, fait, ils sont voilà. pas cons, puis il faut aussi, tu sais, je veux dire, c'est juste de se donner ouais. la peine, parce que souvent, je pense qu'on a peur de pas savoir ou ouais, de pas être capable de décoller. Il faut y a cette espèce de barrière un peu qui est là, mais qu'il faut juste se laisser aller puis ouais. apprécier. Il y a une peur du public de dire hey, je veux pas aller là, puis il y a une peur de nous qui fait comme ah ben non, tu sais, fait que là, c'est ça. Pour ouais. comme... Et puis, Annie, allons-y vers un peu la création à Québec. Ça fait ouais. ben, depuis toujours, tu es ici. Mais je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené à rester pendant toutes ces années à Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au milieu de artistique à Québec? Ben, j'aime beaucoup Québec. Tu sais, c'est un milieu qui facilite les artistes. T'sais, moi, j'ai pu acquérir un atelier. Mm-hmm. Ben, tu sais, le coût de la vie est moins cher qu'à Montréal. Oui. C'est sûr que j'adore Montréal, là. Mais en fait, j'ai été en couple. Toute ma vie, j'ai eu des enfants. Fait que là, tu sais, ça a fait qu'on est resté à Québec. Mm-hmm. Puis, on s'est implanté beaucoup. Fait que, et aussi, c'est le fun aussi parce que tu connais comme tous les artistes, puis le milieu. Ça, c'était intéressant. C'est comme une famille, un peu. C'est ça, c'est un peu tissé serré. Exactement, aussi, oui. Mais je pense aussi que t'es pas déconcentré aussi quand t'es à Québec. Tu peux vraiment être concentré puis bosser beaucoup. Puis, mais je pourrais pas en dire plus, je sais pas. Non, mais c'est correct. C'est toujours, je trouve ça toujours intéressant de questionner parce que, tu sais, beaucoup d'artistes sont amenés ou en tout cas incités à migrer vers Montréal. Mm-hmm. Mais pour Dan, la semaine passée aussi, c'était comme, ben, il y a une belle vie ici. C'est plate ma réponse, mais c'est c'est un beau milieu de vie aussi quand... Des fois, on a envie d'être juste tranquille chez nous, puis, tu sais. Oui, puis avoir une famille. Moi, j'ai des enfants. Avoir c'est une famille, être artiste, tu sais, là, c'est... Je pense que être à Montréal, il aurait peut-être fallu que j'aie un job, là. Fait que j'ai jamais, tu sais, en 17 ans, moi, ça fait 16 ans que je vis juste de mon art, là, que j'ai pas eu de travail, puis que je fais juste ça à temps plein. Je pense que si j'avais été à Montréal, j'aurais peut-être pas pu avoir ce statut-là. Oui, exact. Ouais. Et puis, cette nomination au prix Sobey. C'était une surprise. Quelle a été ta réaction? J'hallucinais un peu. Moi, le prix Sobey, c'était comme. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Je sais pas pourquoi je m'étais. Tu sais, je suis comme Lascar, là. Je vais avoir 39 ans. Oui. Je suis vraiment Lascar. Fait que pour moi, tu sais, j'avais comme passé le cap. J'avais appliqué deux fois, puis ça avait pas marché. Fait que, je sais pas. Là, j'ai réappliqué une troisième fois. Mais non, c'est super. J'ai très, très. Heureuse. Puis c'est intéressant aussi cette vague de la ville de Québec ben, aussi. C'est super, parce que quand on regarde, très peu d'artistes de Québec ont été en nomination dans cette liste préliminaire-là. Il y a BGL qui l'a fait plusieurs fois, qui n'a malheureusement pas gagné. Yannick Pouliot, puis Jacinthe Carrier qu'on va recevoir aussi également. Fait que, enfin, c'est en même temps un bel indicateur, je pense aussi, des artistes à suivre ou des artistes qui, du moins, ont une pratique intéressante pour la visibilité. J'imagine que ça va peut-être donner un petit coup de pouce encore mais, plus. Oui, mais en visibilité au Canada, puis il y a de la qualité à Québec, je pense, puis artistique, fait que voilà. Je pense que ça le démontre très bien, effectivement. Puis en plus, vous avez tous des pratiques artistiques très différentes aussi, les unes des autres. Oui, moi, j'ai toujours pensé de Québec, là, les artistes de Québec, il n'y a pas de courant, tout le monde fait son truc, puis son univers vraiment particulier, puis très défini. Personne se plagie. Il n'y a comme pas de croisement de genre. En tout cas, à Montréal, il y a des courants. C'est vrai. Puis, voilà, c'est ça. Ah ben. Et puis, ben, il nous reste... Mon Dieu, je regarde l'heure. Il nous reste une minute à peine. Je voulais juste peut-être terminer en disant, bon, là, t'es rendu à un moment où ta carrière est bien établie. Tu viens de nous le dire, tu réussis à vivre de ton art. Et ton travail fait partie de plusieurs collections muséales, corporatives, privées aussi. Est-ce que t'as des souhaits pour la suite des choses? Comment t'entrevois le futur? Pour ma carrière? Pour ta carrière, oui, pour toi, comment tu vois ça? J'aimerais ça avoir une bourse. Non, mais que ça aille bien, là, puis je souhaite à tous les artistes de... Je souhaite pas juste pour moi, là, je pense que je souhaite qu'on injecte plus d'argent pour les arts, là, qu'on pense aux artistes puis à nous, Oui, effectivement, c'est ça. Ben, on le voit justement avec ton témoignage tout à l'heure, mais que l'art, puis surtout dans le contexte actuel, je pense peut énormément nous aider à vivre le monde d'une façon un peu plus agréable, pas juste visuellement, mais aussi au niveau de la réflexion, puis sur nos comportements, sur ce qui se passe dans le monde. Enfin, Annie Baillargeon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, à passer cette 20 minutes, pay plus même. Et on te souhaite aussi la meilleure des chances pour le prix Sobé. Et on va rappeler en même temps, au passage, pour ceux qui seraient à Montréal dans les prochains jours, il y a une exposition de tes œuvres, Les Jardins à Occurrence, donc à Montréal. Et ça, c'est jusqu'au 13 mai. Donc, nous, on s'en va faire une pause publicitaire et on revient avec la deuxième moitié d'émission. CKRL 89.1. Une heure par semaine, le 9e art prend d'assaut les ondes de CKRL lors de l'émission La vie en BD. Entrevues, discussions, événements, découvertes. Animé par Raymond Poirier, accompagné par une équipe de collaborateurs passionnants, La vie en BD, c'est votre porte d'entrée vers l'univers de la bande dessinée, de l'illustration et du cinéma d'animation, avec un regard particulier sur la BD d'ici. La vie en BD, les vendredis 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Particules sonores. Fragments du bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Alors, on est de retour pour cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Vous êtes toujours en compagnie de Audrey Caro et Marie-Claire Tremblay. Donc, Marie-Claire, on va discuter de l'exposition de Caroline Ouellet qui est présentée actuellement à Materia, qui s'intitule « In vitro ». Est-ce que tu peux nous présenter peut-être un peu cette artiste? Ben oui, exposition qui finit bientôt, par contre, hein, il faut se dépêcher. Moi, j'ai eu le bonheur d'aller voir cette exposition-là en fin de semaine. Et c'était une découverte pour moi, Caroline Ouellet, une artiste verrière. Et c'est depuis quand même 1996 qu'elle travaille le verre. Elle est aussi cofondatrice d'un atelier qui s'appelle l'atelier Wilmo à Sainte-Julie avec son comparse Patrick Primo. Puis dans cet atelier-là, oui, on fait des objets d'art, mais aussi tout autant des objets fonctionnels comme des luminaires, des urnes, des trophées. Donc, j'ai appris un petit peu ça en fouillant sur l'artiste. Et il y a un moment très charnière dans son travail, qui est la réalisation d'un doctorat en philosophie spécialisé en verre d'or que Caroline Ouellet a fait en Australie de 2011 à 2014. Oui. Et c'est vraiment un moment qui va complètement transformer son travail. En jetant un coup d'œil un petit peu, on se rend compte qu'avant cette période-là, bon, elle travaille quelque chose, des pièces de verre très près de la nature, peut-être inspirées justement par ce côté végétal là. C'est très organique hein, oui, quand on voit là. Mmh. Oui, exactement. Puis je vous parle de tout ça parce qu'en fait c'est complètement le contexte de l'exposition à Materia. C'est que l'exposition qui est présentée, c'est vraiment suite à ses recherches qu'elle a fait dans le cadre de son doctorat. OK. Donc, démarche créative qui a été transformée et qui est unifiée vraiment dans le cadre de l'expo à Materia. Je commence par le titre, In mm-hmm. vitro. Oui. Parce que le titre le dit, in vitro en latin, on est dans le verre complètement. Et c'est un des fils conducteurs, mais c'est vraiment quelque chose de fort dans cette exposition-là parce que on découvre comme un genre d'éventail assez fascinant de toutes sortes de techniques de travail du verre. Moi, je connais pas très bien toutes ces techniques-là, oui, mais on peut quand même apprécier de par les aspects différents, le givré, les trucs plus transparents. On se rend compte qu'il y en a qui ont été faits à partir de moules aussi, il y en a d'autres qui ont été chauffés. Donc ça, c'est quelque chose de très, très fort dans l'exposition. Et également, elle joue sur la qualité de ce matériau-là, le oui, verre, qui est comme quelque chose de, tu sais, de solide, de mmh, d'assez dur, de fragile, mais pourtant il y a des pièces qui ont des allures malléables. Oui, donc, c'est ça exactement. Ben justement l'image qu'on peut trouver sur le site web de Materia qui introduit, oui, on dirait que des poches, hein, littéralement qui seraient remplies d'une matière liquide, mais finalement tout ça est en verre. Exactement, mmh, exactement. Le médiateur sur place nous permet même de toucher en fait à ces pièces-là pour vérifier vraiment la solidité, toucher délicatement, vous comprendrez pourquoi. Mais donc une opposition avec laquelle elle joue, la série dont tu parles s'appelle In Vitro justement, qui fait oui, écho au titre de l'exposition. Sinon ce fameux titre-là, moi je me suis questionnée aussi là-dessus parce que je me demandais s'il n'y avait pas un clin d'œil aussi scientifique, tu sais, parce que quand on mm-hmm, regarde la définition oui, de in vitro, ben on parle quand même d'expériences ou de recherches qui sont pratiquées en laboratoire, donc en dehors d'un organisme vivant. Puis il y a une autre image, l'image de promotion en fait de l'exposition dans les bocaux exactement, maçons, dans les bocaux maçons. Là, je me disais bon, ça ressemble un petit peu à des spécimens. Mm-hmm. Il y a peut-être ce côté-là aussi scientifique. Je voyais peut-être un certain lien. Sinon, autre chose qui est très intéressante dans cette exposition-là que vous pouvez pas avoir vue si vous n'y êtes pas allé, alors il faut y aller. C'est la grande place aux spectateurs que l'artiste propose. Donc, elle propose vraiment de découvrir ses pièces de manière active. Oui, c'est ça, littéralement. C'est participatif, là. Oui, puis elle le dit clairement dans sa nouvelle démarche, si on veut, après son oui, doctorat. Mm-hmm. Elle invite le spectateur à prendre une pause afin de laisser le travail jouer avec ses sens et rappeler ses histoires afin de s'imprimer de sa mémoire. Ça, c'est vraiment une citation de l'artiste. Donc, elle laisse complètement la place au spectateur. Mm-hmm. Et exemple d'interaction qu'on peut faire dans l'exposition, on va par exemple découvrir cette pièce intéressante, c'est plusieurs petites boîtes noires qui sont fixées au mur, qui sont très énigmatiques parce qu'elles ont des formes différentes, mm-hmm, mais elles sont complètement fermées. OK. Et là, ben, mon seul petit bémol là, sur l'exposition, peut-être qu'on aurait bénéficié à avoir un petit carton qui nous indique clairement qu'il faut ouvrir les boîtes. Mais sinon, près de moi, j'avais un sympathique médiateur qui est venu me suggérer okay, d'ouvrir les oui, boîtes. Oui. C'est ça. Et là, à l'intérieur, on découvre toutes sortes de petits objets. On peut les prendre, donc mm-hmm, ces objets de verre-là. Et juste à côté, on a un genre de tablette. Là, donc, on peut constituer son propre cabinet de curiosité. Donc, imagine, oui, Audrey, le plaisir de la sculpture, c'est de la regarder, c'est de sentir son côté tactile, mais de jamais pouvoir assouvir ce besoin-là de toucher. Oui. Et là, on peut le faire. Oui, puis on peut finalement créer son œuvre à partir justement de ce petit cabinet de curiosité. C'est ça. Donc, en plus, on devient comme un petit peu... On prend un petit peu la place de l'artiste pour ce moment-là. Puis, ben... peut-être que vous me connaissez, moi j'aime ça jouer quand même, mm-hmm, et là je prenais plaisir à découvrir ça en touchant, mais aussi à regarder les effets que les pièces créaient dans le petit cabinet de curiosité, le sens que ça pouvait créer, exact, les formes aussi, l'agencement de formes, donc assez intéressant. Outre ça, ben il y a toute l'interaction qu'on a au niveau de la force d'évocation des pièces. J'avais l'impression dans ces pièces, ben, dans plusieurs, qu'on pouvait projeter nos propres souvenirs. Donc, des œuvres quand même assez ouvertes. Donc, on sent encore une fois la place que l'artiste laisse au spectateur. Oui. Si je reprends encore les fameux petits objets de verre que j'ai découverts, ben, qu'on découvre dans l'exposition, la petite voiture, bon, il y avait toutes sortes de choses curieuses. Il y avait un os, il y avait un marteau, il y a un fusil. Mais bon, qui peut donc bien faire écho au petit trésor de l'enfance qu'on a caché dans une boîte. Donc, chacun peut y voir, peut raconter l'histoire qu'il veut pour faire écho à ses propres souvenirs. Mm-hmm. Donc, tu vois, quand je veux dire que c'est une œuvre très ouverte, très libre pour le visiteur, c'est un peu ça que je veux dire. Une autre pièce très, très importante, c'est celle qu'on a parlé avec les pots maçons. Oui. C'est un petit peu des objets similaires qui sont flottants, baignants, un petit peu dans les pots maçons. Et en fait, on se rend compte que l'artiste les a mis dans de la glycérine. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui donne un peu leur aspect de spécimen. Mais c'est assez intéressant parce que c'est des œuvres actives. L'œuvre va se transformer au fil du temps. La glycérine va blanchir avec le temps et donc on va perdre la vue de ces objets-là, comme un peu nos souvenirs. Ah, intéressant, hein? Vraiment, ouais. La matière qui se transforme au fil du temps, qui a sa puissance d'évocation, là, on est quasiment dans l'arte povera, quasiment. Oui, c'est ça. Donc, une matière qui bouge. Oui. Il y a cette idée-là aussi. Il y avait toute une série très, très intéressante de photographies noires et blancs. Donc, c'était le même vieillard qu'on voyait traité différemment. Encore une fois, il est un petit peu flou. Donc, ça peut être ton ancêtre, ça peut être mon grand-père. Donc, ça peut être associé facilement à nous. Ça vient chercher notre affect aussi. Donc, tu vois, une exposition qu'on peut voir, qu'on doit aller voir pour son travail exceptionnel de la matière, puis pour tout ce que ça va susciter aussi chez le spectateur, mm-hmm. tant au niveau de la découverte de la manipulation, en fait, des objets, que du côté des souvenirs et des émotions, vraiment. Ah ben, ouais. C'est vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai malheureusement pas pu aller la voir, mais j'avais vu quelques photos, mais là, tu me donnes vraiment envie d'y retourner. Ça se termine ce dimanche. Matériel, c'est situé au 367 boulevard Charest-Est. C'est ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à 17h30. Donc, quand même, on a le temps jusqu'à dimanche d'y aller. C'est parfait. Ben, merci beaucoup, Marie-Claire. Ça me fait plaisir. De ce compte-rendu bien exhaustif. Alors, nous, on fait une petite pause audio, toujours avec NAM. Et après ça, Marie-Claire, tu vas t'entretenir avec Gabrielle Bélanger. Exactement. Rebonjour. Donc, pour les prochaines minutes, je vais m'entretenir... nous allons nous entretenir de l'exposition intitulée « Refuge » qui conclut la programmation 2016-2017 d'Engram, qui est un centre que vous connaissez dans la coopérative Méduse. Et on doit le dire, le projet, en fait, l'exposition qui est en galerie en ce moment diffère un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans la programmation d'Engram, parce que, premièrement, l'installation résulte d'un travail collectif. C'est 7 artistes membres d'Engram qui y ont participé, mais surtout, c'est le résultat d'un projet de médiation culturelle qui a été réalisé en milieu scolaire à l'école secondaire Vanier. Et là, en studio avec moi, j'ai la chance de recevoir Gabrielle Bélanger, qui est une des artistes qui a participé au projet Refuge. Oui, allô, bonjour. Gabrielle. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et là, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, en fait, qu'est-ce que c'est le projet Refuge? Parce que là, je comprenais que ce qu'on voit à la galerie, c'est comme l'aboutissement aussi de ce projet-là qui aurait commencé l'automne dernier. Oui, c'est ça. Dans le fond, on était 5 artistes membres d'Engram qui sommes allés faire des ateliers de médiation culturelle avec 51 élèves de l'école Vanier. C'est des élèves qui étaient dans le programme de francisation dans les classes d'accueil. Donc, on est allé faire 3 ateliers. Un premier atelier de dessin. On les a fait un peu brainstormer sur l'idée du refuge. On les a emmenés dans le ciel de notre refuge, dans la forêt autour du refuge, à l'intérieur du refuge. Donc, c'était notre refuge, mais c'était surtout leur. En fait, on voulait qu'ils nous parlent de où ils venaient puis de où ils habitaient maintenant, donc de cette transition-là. Donc, on les a guidés à travers le dessin, l'exploration de différents médiums au premier atelier. Puis on s'est servi de ces dessins-là après pour faire des matrices pour la sérigraphie. Donc, au deuxième atelier, deuxième rencontre, on les a emmenés à imprimer, dans le fond, leurs dessins en sérigraphie. Puis tu as sûrement remarqué dans l'exposition, il y a des couleurs vraiment ciblées pour les différents thèmes. Donc, le ciel est vraiment dans les tons de bleu, la forêt dans les tons de vert, l'intérieur du refuge dans les tons de rouge, orangé et brun. Donc, on a imprimé toutes ces couleurs-là. Puis, voilà, deuxième atelier. Troisième atelier, on les a invités chez nous, donc chez Engram. Ils sont venus voir une exposition, l'exposition qui était en cours à ce moment-là. Puis, ils ont imprimé dans les ateliers de sérigraphie aussi, Engram. OK. Fait qu'il y a une première partie du travail qui s'est vraiment passée à l'école. Oui. Ils ont imprimé à l'école? Oui, ils ont imprimé à l'école, oui. OK. Fait que vous avez comme transposé la technique, justement, d'impression pour en faire une section à l'école. Oui. Puis, est-ce qu'ils ont imprimé aussi dans les ateliers d'Engram? Oui, c'est ça. OK. Fait que là, ils ont découvert... Est-ce que c'était la première fois qu'ils découvraient ce... pour plusieurs. En fait, tu sais, dans la gang, il y en a qui étaient là depuis un an au Québec, mais il y en a qui venaient d'arriver, là, qui étaient là depuis une semaine. Donc, c'est un monde, là, j'imagine. Oui, pas juste le Québec, mais la sérigraphie, là. Oui, oui. Fait que, oui, c'est ça. Pour la plupart, ils découvraient ça. Puis nous, on les découvrait aussi là-dedans. OK. Puis là, on voit vraiment que, justement, le thème était en lien avec la nature des classes. Ouais. Comment ça s'est passé, ce choix-là? Mm-hmm. Est-ce que c'était une volonté d'Engram? Qui était instigateur, finalement? En fait, à la base, il y a un petit comité Engram qui s'est formé pour organiser l'exposition annuelle des membres, dans le fond. Mais là, on avait le goût de faire quelque chose d'un peu différent, puis on était à la cuisine, on brainstormait, puis tout ça. Puis c'était à peu près le moment où on parlait beaucoup de l'arrivée des Syriens et tout ça, donc c'était dans l'air du temps, je pense. Puis, c'est ça, un moment donné, on a eu cette idée-là, tout le monde a embarqué, l'idée un peu de reconstituer un refuge en sérigraphie. Puis, je trouve que l'expo donne à voir un peu comme un dessin d'enfant, mais version 3D, un peu sculpturale. Là. Donc, c'est un peu ça qu'on est allé chercher aussi. Là. Bien, on peut le dire peut-être aux auditeurs, ce qui se trouve justement dans la galerie d'Engram. Moi, j'ai eu le bonheur d'y aller en fin de semaine avec ma petite nièce. Puis, elle est entrée et sa première réaction a été « Wow! » Donc, vraiment, c'est très vivant, les couleurs. Et il y a Est-ce que je peux appeler ça l'incarnation du refuge? Oui, oui. Ouais, mm-hmm. Qui est vraiment la genre de petite cabane. Moi, ça me faisait écho à l'enfance, mais là, mm-hmm. en même temps, c'est des adolescents. Ouais. Est-ce que c'était quoi la tranche d'âge exactement? Je dirais... les plus jeunes avaient peut-être 8, mais ça pouvait aller jusqu'à 15. Là. OK. Même 8, peut-être pas. Je dirais plus 12-15. OK. Ouais. Donc, jeune, quand même jeune adolescent. Ouais. OK. OK. Puis, est-ce que t'as pu recueillir un petit peu... mais comment ça s'est passé avec eux? Mm-hmm. Quels étaient les commentaires qui te faisaient? Ben, en fait, on a eu la chance de recevoir, il y a 2 semaines, là, il y avait comme un vernissage VIP avec eux. Oh! Puis, donc, une bonne gang sont venus. Puis, ben, c'est ça, c'était de retracer un peu de... le parcours qu'on a fait avec eux, finalement, parce qu'on les a vus 3 fois à l'automne, à 2-3 semaines d'intervalle. On est allé faire aussi... un premier volet d'exposition à l'école Vanier. Donc, il y a eu un premier refuge, disons, qui a existé à l'école même en février. Puis là, c'est comme l'aboutissement final. Donc, de retracer un peu le parcours avec eux. Puis c'est ça. Ben, spontanément, moi, ce que je disais, c'est « Tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu as imprimé? Quel dessin? Quelle couleur? Qu'est-ce que tu en penses? » Voilà. Ben oui, parce qu'ils ont, je veux dire, tu disais, il y en a certains qui venaient juste d'arriver, il y a du mm-hmm. chemin qui a été fait. Ben oui, vraiment, justement. Tout à fait. C'est assez intéressant, mm. tout ça. Puis, est-ce que, parce que là, vous étiez aussi plusieurs artistes, j'ai vu plusieurs sections, t'en mm-hmm. parlais un petit peu. Est-ce que cette construction collective-là, ça s'est imposé comme d'elle-même mm-hmm. ou c'est comme venu pendant votre création, finalement? Bien, en fait, on a départagé les choses pour... bien, je pense que durant les ateliers, on avait besoin d'avoir des sous-thèmes, je pense, en fait, pour les ateliers. Fait que ça s'est fait comme naturellement comme ça. Puis après ça, au niveau du montage, ben tu sais, on était 6 artistes au montage. Il y a une autre artiste d'engramme aussi, une 7e artiste, Tania Morin, qui s'est joint à nous pour l'exposition. Puis tu sais, on montait sur une semaine, puis à toutes des horaires différents. Là, on n'a mm-hmm. pas été souvent toute la gang ensemble. Fait que ça a fait que d'avoir chacun des parties à imbriquer les unes dans les autres, suivre les idées des autres et tout ça. C'était super intéressant comme façon de créer aussi là, dans le live, là, vraiment. Mm. Oui. Ben écoute, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement, mais ben, je te remercie beaucoup pour ton passage en studio. Ben bravo pour ta participation à ce projet-là, puis je trouve ça chouette aussi qu'il y ait autant d'artistes qui aient été impliqués. Bravo également aux enseignants de l'école mm-hmm, secondaire vraiment, qui ont dû apporter merci. Quelque chose oui. à tout ça, puis surtout aux jeunes qui ont participé, qui se sont laissés prêter au jeu. Donc, on invite les auditeurs à passer à la galerie d'Engramme du mercredi au dimanche de midi à 17h jusqu'au 4 juin. Et plus spécialement, il y a une invitation, je pense, pour oui. Ce vendredi. Oui, le vernissage ouvert au public, là, ce vendredi 5 à 7 en Gramme. Donc, dès 17h. Donc, ben merci beaucoup, Gabrielle. Et puis, nous, on se laisse pour une pause audio. Donc, le titre de notre pièce est Stellar et toujours de l'artiste Nam. Alors, Marie-Claire, avant de terminer l'émission, tu vas nous dresser un peu l'agenda de la semaine. Oui, tout à fait. Bien, déjà demain, le 10 mai, de 16h à 19h à la Chambre Blanche, Folie Culture est heureuse de nous inviter à Désanimer 2, une soirée de projection qui dévoile le fruit du travail réalisé dans le cadre d'un atelier de création de GIF animé qui a été donné cet hiver. Vont être également présentées les vidéos sélectionnées pour la minute vidéo Folie Culture réalisée sur le thème Post. Donc, c'est à ne pas manquer à la Chambre Blanche. Jeudi, le 11 mai, Julien Lebargie, qui achève sa maîtrise en arts visuels, vous présente son programme de découverte spatiale pour ceux qui mélangent les chiffres et la poésie. titre énigmatique. Mm-hmm. Oui. S4DP+. Donc, c'est un vernissage à 17h30 au 2328 Avenue Royale. Ce vendredi 12 mai, il y a plusieurs événements. Donc, d'abord, vernissage à la galerie d'engrammes de Refuge, le projet de médiation culturelle dont on vient tout juste de discuter avec l'artiste Gabriel Bélanger. Donc, c'est à 17h. À la bande vidéo, à 17h, on a le projet Brèche de Baron Lantaigne. Ensuite, le Grand Projet Secret 2, GPS2 de Canadian Bacon. Ça, c'est au 305 rue du Pont. Le vernissage aura lieu dès 16h. Et Amélie Proulx, il y a un vernissage de son exposition Les élégies immobiles à la Galerie 3 dès 17h30. Dont des œuvres qui sont issues d'une résidence de l'artiste à l'usine de céramique Kohler. Donc, c'est à voir. Dernière chance pour voir, en fait, jusqu'à vendredi 12 mai, vous pouvez voir quelque chose, exposition collective des membres de l'atelier de la mezzanine. Jusqu'à samedi 13 mai, on peut voir les portraits d'une rencontre de l'artiste Audrey Lahaie à l'établi. Et jusqu'à dimanche 14 mai, attention, on a plusieurs, il faut ne pas manquer Magnifica à la maison. Oui, vraiment. Amel Bruno de Paris Martin et José Landry Sirois. La Manif d'art 8, l'art de la joie, ça se termine au Musée national des Beaux-Arts. Mais oui, déjà. Qui en passant vient de faire une acquisition d'une œuvre de la Manif. Oui, c'est ça, le musée a acquis cette fameuse œuvre de Christian Boltanski, l'artiste de réputation internationale. Donc, l'œuvre qui est présentée dans Manif d'art a été animitas, là, a été acquise par le musée. Vraiment, ça vaut la peine d'aller la voir. C'est extrêmement méditatif, très, très fort aussi, malgré la simplicité aussi du projet. Alors, voilà, bravo, belle acquisition. Oui, et ensuite, à ne pas manquer jusqu'à dimanche 14 mai, bien sûr, on peut voir l'exposition de Caroline Ouellette au Centre Matériel dont on a parlé justement au courant de l'émission. Et enfin, si vous passez à Lévis, ça se termine aussi ce dimanche, l'exposition de Marianne Cloutier et Marie-Fauve Bélanger. Donc, exposition garde-fous dans l'atelier commun. Alors, voilà. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Claire. Alors, c'est déjà tout pour nous. On vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram. On remercie nos invités, Annie Baillargeon et Gabriel Bélanger, Jacques Gignac, le Guido Molinari de la mise en onde, et qui, grâce à qui, à vrai dire, cette émission se rend jusqu'à vos oreilles à chaque semaine. Merci beaucoup, Marie-Claire Tremblay, de m'avoir accompagnée, d'avoir mené cette entrevue tout à l'heure avec Gabriel. Ben, ça m'a fait très plaisir. Merci à toi, Audrey, qui a été ma marraine pour ce soir. Alors, on vous invite la semaine prochaine à être des nôtres. On poursuit nos tête-à-tête des prix de Sobé avec le sculpteur Ludovic Bonnet. On va s'intéresser à l'exposition des finissants au bac en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval et Émilie Porraquet sera en chronique aussi. Ne manquez pas notre émission Cousine L'accroche-oreille qui a lieu le dimanche à 21h, toujours sur les ondes de CKRL, et demeurez à l'écoute car Pierre Blais et toute son équipe vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation Critique. Marie-Claire, très bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi. Bonne semaine à vous. Bye bye. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Découvrez l'exposition centrale de Manif d'art 8, la Biennale de Québec, présentée au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous en mettront plein la vue. Cet hiver, célébrez l'art de la joie au M&Back. Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. Du 5 mai au 4 juin, Vue Photo présente l'exposition collective Entre traces et aura. La commissaire Gentillonne La France y a rassemblé les photographies d'Audrey Demers-Roberge, Alfia Jonca et Martin Guimont, tous trois unis autour d'une expérience du paysage proche et lointain. Ce projet a été réalisé grâce à une bourse de commissaire de première ovation de la Ville de Québec et du ministère de la Culture et des Communications. Visitez vuephoto.org et manifdart.org pour en apprendre plus. Je suis une victime de violences amoureuses, une victime du sexe. Parfois, j'aimerais être Rousseau, Helvétius ou Voltaire, une tête dure de ce genre. Moi, je change d'avis lorsqu'une femme entre, les idées me frôlent et me bousculent, je me réveille pour, je m'endors contre. Maudite molécule. Alors, nous disions la morale. Avec Eric, d'Eric Emmanuel Schmitt, Mise en scène par Nancy Bernier et présentée au Théâtre du Conservatoire du 7 au 12 mai. Billets 10 $, 5 $ pour les étudiants. Réservation au 418-643-9833. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. On a le pouvoir de s'aimer! Le Festival d'été de Québec. 11 jours de musique pour 95 $. Avec Kendrick Lamar, Muse, Gorillaz, Lady Antebellum et plusieurs autres. Du 6 au 16 juillet, célébrons 50 ans d'émotion. Laissez passer en vente au infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En mai, voyez au cinéma Le Clap le tout premier mois du documentaire. Du 1er au 31 mai, plus de 48 documentaires provenant de partout dans le monde. De la politique au voyage, en passant par l'alimentation, la musique, les animaux,